الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La semaine dernière, on avait expliqué quel hadith. نعم. Qui était là? Personne n'était là la semaine dernière. نعم. Quel hadith, Bounir? 111 et 112. Hadith 111, qui est le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anha, radiyallahu ta'ala anha, qui nous le récite. Alhamdulillah. Dès qu'on lance, voilà quoi. Qui nous le récite, Fadal, Ibrahim. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى قوله تعالى وأقيم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها البخاري والمسلم. أحسنت بارك الله فيك. الحديث 112 الحديث جابر رضي الله عنه qui nous le récite. Munir. يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أحسنت بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الشيخ رحمه الله ouvre le chapitre du jugement de cacher l'une des deux épaules pendant la prière. الحديث الثالث عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم. Hadith 113 selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul vêtement sans qu'il n'y ait une chose sur son épaule. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali, al-matloubu min al-musalli an yakuna ala ahsani hay'ah. فقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي أن لا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي الله يناجيه. Le sens général du hadith. Il est demandé aux prières d'être dans la meilleure posture. Allah subhanahu wa ta'ala est d'être dans la meilleure apparence. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Al-A'raf, le verset 31, ô fils d'Adam, prenez votre beauté dans toute mosquée. Autrement dit, habillez-vous et faisiez-vous beau. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé le prieur de ne pas prier sans qu'il n'y ait, en ayant les deux épaules découvertes, avec la possibilité de les couvrir, c'est-à-dire les deux épaules ou l'une d'entre elles. Et il a interdit de prier dans cette situation alors qu'il est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. اختلاف العلماء ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا وبعض أصحابه خص ذلك بالفرد دون النافلة فإن صلى بلا سترة لعاتقيه أو أحدهما لم تصح صلاته وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الاستحباب وأن النهي في الحديث ليس للتحريم مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وإن كان ضيقا اتزر به وحملوا النهي على التنزيه والكراهة. La divergence des savants. L'imam Ahmed, rahimahullah, dans l'avis le plus connu de lui, est l'obligation de recouvrir l'une des deux épaules pendant la prière. En prenant ce qui apparaît de ce hadith, le hadith d'Abu Huraira, certains des compagnons de l'imam Ahmed ont spécifié cela à la prière obligatoire, ainsi la prière surérogatoire n'est pas concernée. S'il prie sans recouvrir ses deux épaules ou sans recouvrir l'une des deux, alors sa prière est nulle. Et l'avis de la majorité des savants, et parmi eux les trois imams, l'imam Abu Hanifa al-Shafi'i et l'imam Malik rahimahumullah, sont de l'avis que de couvrir les épaules pendant la prière est préférable et que l'interdiction dans ce hadith n'est pas une interdiction, mais cela montre le caractère détestable, qu'il est déconseillé et détestable de prier les épaules découvertes. Et ils ont pour preuve le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et si les trois alors faisant un izar. » Alors si les trois faisant un izar. Et le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, il est venu prier à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étant recouvert d'un seul vêtement qu'il a entouré autour de lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que si le vêtement est grand, alors tourne-le autour de toi pour te couvrir. Et s'il est étroit, alors contente-toi d'en faire un izar. Et ceci pour la prière. S'il est étroit, contente-toi d'en faire un izar. Et le izar couvre la partie basse du corps, du nombril jusqu'au genou, et laisse donc découvert la partie haute. Et les savants ont déduit de ce hadith, Jabir rapporté par le Bukhari et Muslim, que de prier les épaules découvertes est certes déconseillé et détestable, n'est pas interdit, car si cela était interdit, le prophète Hassan n'aurait pas dit à Jabir radiallahu anhu de que si son vêtement était trop court, d'en faire qu'un izar. Al-Ahkam, an-nahyu anis salati biduni satri al-atiq. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ستر العاتق لحق الصلاة فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. Premièrement, ce que l'on déduit comme jugement de ce hadith. Premièrement, l'interdiction. Et ici, on a vu que ce que les savants veulent dire par l'interdiction, c'est que c'est détestable. selon l'avis de la majorité des savants. Le caractère détestable de prier sans couvrir ses épaules. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit de couvrir les épaules est un droit de la prière. Il est autorisé de découvrir celle-ci en dehors de la prière. Ainsi, il y a des choses que le prieur cache pendant sa prière, mais qui lui est autorisé de découvrir en dehors de celle-ci. Est-ce qu'un homme a le droit de sortir les épaules découvertes? Oui. Par contre, cela est demandé, il lui est demandé de les couvrir pendant la prière, comme l'a dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, car cela fait partie des droits de la prière. Ainsi, il y a des choses que le musulman, le prieur, couvre pendant sa prière, mais qui lui est autorisé de découvrir pendant, en dehors de sa prière. ثانياً استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة. Deuxièmement, qu'il est préférable de couvrir les deux épaules ou l'une d'entre elles pendant la prière lorsqu'il y a possibilité de les couvrir. Lorsqu'il y a de quoi les couvrir. مع وجود السترة. نعم. استحباب qu'il est préférable de couvrir les deux épaules ou l'une d'entre elles pendant la prière lorsqu'il y a de quoi les couvrir. Thalithan, istihbab kawn al-musalli ala hay'atin hasana, qu'il est préférable au prieur d'avoir une bonne présentation lorsqu'il prie, d'avoir une bonne apparence, d'être bien habillé, d'être bien habillé et autre d'avoir une bonne apparence lorsque le musulman s'apprête à prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. Le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ail, l'oignon et similaire. الحديث الرابع عشر بعد المئة. Le 114e hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي رواه البخاري ومسلم. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, qu'il se tienne à l'écart ou qu'il s'éloigne de notre mosquée et qu'il reste chez lui. Puis il a été apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une gamelle contenant des légumes verts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté une odeur sur celle-ci. Il a alors demandé et il lui a été informé de ce qu'il y avait comme légumes verts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rapprochez-la », c'est-à-dire à certains de ses compagnons qui étaient avec lui. Et lorsqu'ils l'ont vu, lorsqu'ils ont vu cette gamelle, ils ont détesté la manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Mange, car j'ai des confidences avec celui avec qui tu ne peux pas avoir de confidence. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث قدر هو الوعاء الذي يطبخ فيه. القدر ici dans le hadith, lorsqu'un قدر a été rapporté au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire un récipient dans lequel l'on cuisine. Autrement dit, une gamelle, une marmite ou autre. خضرات واحدته خضرة وهي البقلة الخضراء. Khadirat qui est le pluriel de khadira qui sont des légumes verts. Thalithan al-buqul, jam'u baql, wa huwa kullu nabatin ikhdarat bihi al-ard. Et al-buqul qui est le pluriel de baql, qui est un synonyme de khadirat qui sont tout ce qui pousse comme en sortant vert de la terre. Autrement dit, tous les légumes verts. أناجي قال ابن فارس اللغوي النجوى السر بين اثنين وناجيته اختصصته بمناجاتي يريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه واختصاصه ربه بذلك. Quatrièmement, le terme أناجي فإني أناجي من لا تناجي. أناجي, comme l'a dit Ibn Faris, le linguiste, un najwa, la confidence, c'est un secret entre deux. As-sirru bayna ithnayn. Et lorsque tu dis najaytuhu, c'est-à-dire, je l'ai précisé, je l'ai spécifié dans le fait de lui donner mes secrets et de lui dire mes secrets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là, qu'il a des confidences avec son Seigneur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié dans cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela et lui a accordé cette particularité. Al-Hadith al-Khamisu ashar ba'd al-mi'ah. Le 115e hadith. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم رواه مسلم. Le 115e hadith qui est le hadith de Jabir رضي الله عنه qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange de l'oignon ou de l'ail ou du poireau, qu'il n'approche pas nos mosquées, car les anges sont dérangés par ce qui dérange les fils des êtres humains. » Et dans une version, les fils d'Adam. Hadith rapporté par Muslim. Al-ma'na al-ijmali. المطلوب أن يكون المسلم على أحسن رائحة وأطيبها لا سيما إذا كان يريد أداء صلاته في المجامع العامة ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين ويؤدي صلاته في بيته حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضروات وبقول فوجد لها ريحا كريهة أمر أن تقرب إلى من حضر عنده من أصحابه فلما رأى الحاضر كراهته صلى الله عليه وسلم لها ظن أنها محرمة فتردد في أكلها فأخبره أنها ليست بمحرمة وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها وأمره بالأكل وأخبره أن المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه ومناجاة لا يصل إليها أحد فيجب أن يكون على أحسن حال لدى القرب من ربه جل وعلا. Le sens général du hadith, ou plutôt des deux hadiths, que le Cheikh Hafidhahullah, rahimahullah, a rassemblé les deux hadiths 114 et 115, car ils ont des similitudes et ils se complètent les uns les autres. Donc le sens général de ces deux hadiths, le 114e et le 115e, il dit, rahimahullah, ce qui est demandé aux musulmans prieurs, c'est d'avoir une bonne odeur, de dégager une bonne odeur, surtout lorsqu'ils s'apprêtent à accomplir la prière dans des endroits communs et généraux comme les mosquées. On a vu dans les hadiths précédents que le musulman doit avoir la meilleure apparence. Et entre dans ceci, il doit aussi dégager la meilleure odeur. Et ceci d'autant plus lorsqu'il prie dans des endroits publics et généraux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon cru, de l'ail cru ou de l'oignon cru, de s'abstenir de se rendre dans la mosquée des musulmans. Et il doit prier chez lui jusqu'à ce que parte cette mauvaise odeur qui porte préjudice aux prières mais aussi aux anges rapprochés. Et lorsqu'il a été apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une marmite de légumes et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti de celle-ci une odeur détestable, il a alors ordonné à ce qu'on donne et à ce que l'on rapproche cette marmite à ses compagnons qui étaient en sa présence. Et lorsque ses compagnons radiyallahu anhum ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait détesté cette marmite, ils ont pensé que il était interdit de la manger. Ainsi, ils ont hésité à manger de celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors informé qu'elle n'est pas interdite et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas détestée parce qu'elle est interdite. Il leur a ordonné de manger et leur a informé que ce qui l'a empêché sallallahu alayhi wa sallam de manger de cette marmite, c'est qu'il a une relation avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il a des confidences avec lui subhanahu wa ta'ala, un degré que personne ne peut atteindre en dehors de lui sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il doit être sallallahu alayhi wa sallam tout le temps dans la meilleure posture, dans la meilleure apparence et dans la façon la plus complète possible, car il est rapproché de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Al-ahkamu min al-hadithayn. Les jugements que l'on déduit de ces deux hadiths. Awalan, an-nahyu an ityan al-masajid liman akala thawman aw basalan aw kurratha. Premièrement, on retient de ces deux hadiths l'interdiction de se rendre à la mosquée pour celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon ou du poireau. Et ici, on parle de ces trois légumes lorsqu'ils sont consommés crus. Car c'est lorsqu'ils sont consommés crus que celui qui les a consommés, eh bien, se dégage de sa bouche des mauvaises odeurs. ثانيا يلحق بهذه الأشياء يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعطاه المدخنون فعلى من ابتلي به أن لا يتعطاه عند ذهابه إلى المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته. Deuxièmement, l'on doit ajouter à ces choses, à savoir la consommation d'ail, d'oignons, de poireaux crus, l'on rajoute à ces choses tout ce qui a une mauvaise odeur, tout ce qui a une mauvaise odeur qui porte atteinte aux anges ou aux prières, comme l'odeur du tabac que fument les fumeurs. Ainsi, celui qui est éprouvé par cela, lorsqu'il se rend à la mosquée, doit se nettoyer la bouche et les dents afin de faire disparaître cette odeur ou au pire de la réduire. Thalithan. Et ici on ne comprend pas du shirk qui l'autorise la cigarette, mais il dit celui qui est éprouvé par cela, qui est éprouvé par cela, et en général on est éprouvé par une chose mauvaise. Thalithan, troisièmement, karahatu akli hadhihi al-ashya liman alayhi hudur as-salat fi al-masjid لئلا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور فيحرم. Troisièmement, qu'il est détestable de manger ces choses pour celui qui doit assister à la prière à la mosquée, afin qu'il ne loue pas la prière en groupe à la mosquée, tant qu'il ne la mange pas, tant qu'il ne mange pas ces choses en guise de ruse, pour que le fait de se rendre à la mosquée, ou pour que l'obligation de se rendre à la mosquée, lui soit ôtée pour lui. Dans ce cas, cela est interdit. Il est détestable de manger ces choses qui ont une mauvaise odeur, pour celui qui doit prier à la mosquée. Autrement dit, les hommes, et surtout quelques minutes avant l'heure de la prière. Pourquoi est-ce que cela est détestable? Pour ne pas qu'il manque la prière en groupe. Par contre, s'il mange ces choses, on a dit que c'est détestable pour celui qui prier à la mosquée. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Par contre, c'est interdit lorsqu'il mange ces choses dans le but de ne pas prier à la mosquée, en utilisant ceci comme un moyen de ruse ou comme, entre guillemets, une esquive pour ne pas se rendre à la mosquée. Dans ce cas, le cheikh dit que cela est interdit. Namr. Non, parce que de prier à la mosquée n'est pas obligatoire pour elle. C'est pour ça que le cheikh a dit l'imam alayhi hudur as-salat, pour celui qui doit être présent à la prière. Par contre, si la femme mange et se rend à la mosquée, dans ce cas, on lui dit que c'est mieux, encore mieux pour elle de prier dans sa maison. Rabi'an. حكمة النهي عن إتيان المساجد أن لا يتأذى بها الملائكة والمصلون. Quatrièmement, la sagesse de cette interdiction de se rendre à la mosquée. Quelle est la sagesse de ne pas se rendre à la mosquée pour celui qui a mangé ces choses? Eh bien, la sagesse est afin qu'il ne porte pas atteinte aux anges et aux prières. خامسا, النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. وهذه وسيلة منصوص عليها فالإلحاق بها صحيح مقيس. Cinquièmement, on retient de ce hadith l'interdiction de porter atteinte quels que soient les moyens. Et les moyens cités dans ce hadith, et ces moyens sont des moyens cités, à savoir de manger de l'ail, de l'oignon ou du poireau ou toute autre chose qui laisserait dégager de mauvaises odeurs. Ce sont des choses où il y a des textes. Mais l'on peut ajouter à cela toute chose qui porte atteinte. Car en islam, tout ce qui porte atteinte aux musulmans est interdit. Sadisan, إن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. Sixièmement, le fait de s'abstenir de manger de l'ail ou autre. Cette abstention n'est pas parce que c'est une chose, ce n'est pas parce que c'est une chose interdite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de manger ces choses. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de manger ces choses ne prouve pas l'interdiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit la raison pour laquelle il n'a pas mangé de cette marmite. Faïda. قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية. ووجه استدلال بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية. ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض عين لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد. والحق أنه لا وجه لاستدلالهم لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب كالسفر المباح في رمضان فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار. في رمارك الشيخ البسام رحمه الله تعالى فيه. Il dit, certains savants ont utilisé pour preuve l'autorisation de manger ces choses pour prouver que la prière en groupe est une obligation qui incombe à une partie des musulmans seulement. Certains savants disent que de prier à la mosquée est une obligation qui, lorsqu'une partie des musulmans l'accomplit, l'obligation est ôtée pour les autres. Et ils ont pour preuve ce hadith, et ils ont pour preuve le fait qu'il est autorisé de manger ces choses, à savoir l'ail, l'oignon et le poireau cru. Comment est-ce qu'ils ont prouvé cela? Ils ont dit, si le fait d'aller à la mosquée était une chose obligatoire pour chaque musulman, ici on parle des hommes, alors, il aurait été interdit de manger ces choses. Mais puisqu'il est autorisé de les manger, cela prouve qu'il n'est pas obligatoire pour chaque musulman de prier à la mosquée. Et le cheikh répond en disant, et la vérité est que cet argument ne tient pas. Car il y a des choses autorisées que l'on fait et qui exemptent d'une chose obligatoire, à condition que cela n'est pas utilisé comme une ruse pour être exempté de cette chose obligatoire. Et le cheikh donne l'exemple du voyage pendant le mois du Ramadan. De voyager pendant le mois du Ramadan. Voyager, c'est une chose qui est autorisée. Et ici, le cheikh restreint bien en disant le voyage autorisé. Al-safar al-mubah. Car il y a des voyages qui sont interdits. Et les savants disent que celui qui voyage dans un voyage qui comporte de l'interdit ou qui voyage pour faire un interdit, il n'a pas le droit de rompre son jeûne. Il n'a pas le droit de raccourcir ses prières. Parce qu'il a voyagé dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut pas faire une chose qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas utiliser une dérogation d'Allah Azza wa Jal en lui désobéissant. En faisant une chose dans laquelle l'on désobéit à Allah Azza wa Jal. Ainsi, celui qui fait un voyage autorisé, celui qui va dans son pays d'origine pour rendre visite à sa famille pendant le mois du Ramadan. Alors, il lui est autorisé de manger la journée pendant le mois du Ramadan. Donc ici, une chose autorisée a fait en sorte que cette personne soit exempte d'une chose qui est à la base obligatoire. Donc, qu'il y ait des choses autorisées qui, entre guillemets, abolissent une chose obligatoire, c'est quelque chose qui est connu en islam. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. D'accord? Et le cheikh dit, ceci à condition qu'il ne voyage pas dans le but de ne pas jeûner. Celui qui dit, moi je vais voyager par exemple 10 jours, parce que là c'est bon, je supporte plus le jeûne, c'est trop dur pour moi, je vais voyager pour ne pas jeûner, pour me reposer 10 jours. Ici, on dit que là, c'est une ruse, c'est une esquive de cette personne. Dans ce cas, il ne lui est pas autorisé de rompre son jeûne en voyageant avec cette attention. Est-ce que c'est clair pour ce hadith? طيب يقول المؤلف رحمه الله باب التشهد الحديث السادس عشر بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاري ومسلم وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء رواه البخاري ومسلم Le 116e hadith, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné le tashahud. Ma main dans sa main. Ma main entre ses deux mains. Comme il m'a enseigné une sourate du Coran. Que lui a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire At-tahiyatu lillah. والصلوات والطيبات les saluts sont à Allah ainsi que les prières et les bonnes choses que le salut soit sur toi ô prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction que le salut soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah j'atteste que rien ne mérite d'être adoré qu'Allah seul et j'atteste que Muhammad et son serviteur est envoyé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans d'autres termes, dans une version, lorsque l'un d'entre vous s'assied pour la prière, qu'il dise « At-tahiyatu lillah » jusqu'à la fin du hadith. Et il y a également, dans l'autre version, « Et si vous faites cela, vous avez alors salué sur tout serviteur vertueux dans les cieux et la terre. Notamment lorsque l'on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. En disant cela, tu auras salué sur tous les serviteurs vertueux d'Allah Azzawajal, qu'ils soient dans les cieux ou sur la terre. Et également dans cette version, le professeur Hassan m'a dit puis qu'il choisisse le sujet qu'il veut, c'est-à-dire qu'il demande le sujet qu'il veut. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الذي يقال في جلوس الصلاة الأول في جلوس الصلاة الأول والأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية وفي الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية وأنه عني صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه فجعل يده في يده وفهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى التعظيم المطلق وأنه المستحق للصلوات وسائر العبادات والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآفات وسأل الله له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك ثم دعا لنفسه والحاضرين من الأدميين والملائكة ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم من الإنس والجن والملائكة أهل السماء والأرض السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم له صفتان، إحداهما أنه متصف بصفة العبودية، والثانية صفة الرسالة، وكلا الصفتين صفة تكريم وتشريف وتوسط بين الغلو والجفاء. Le sens général du hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le tashahhud que l'on dit lorsque l'on s'assied à la prière, la première assise et la dernière, dans les prières constituées de quatre unités de prière et celles constituées de trois unités de prière, et dans la dernière assise pendant la prière pour les prières constitué de deux raka'at. Le tashahhud a lieu au début, la première assise et la seconde dans les prières de 4 et de 3. Le tashahhud, on le dit dans la première assise, lorsque l'on s'assoit pour le tashahhud, avant de se lever pour la troisième, et dans la dernière assise, lorsque ce sont des prières de deux raka'at. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de lui enseigner ce tashahhud en mettant sa main dans sa main et en lui faisant répéter ce tashahhud comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignerait une sourate du Coran. Comment est-ce que tu enseignes une sourate du Coran à quelqu'un ? Est-ce que tu le dis qu'une seule fois ? Non, tu la répètes, tu l'as dit, la personne la répète, et ceci à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il l'apprenne. Eh bien, ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdullah ibn Mas'ud pour lui enseigner le tashahhud. Et ceci montre l'importance du tashahhud qui comporte des glorifications à Allah azza wa jal et des invocations bénies. Ainsi, le tashahhud commence tout d'abord par immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit le tashahhud commence d'abord par immensifier Allah Azza wa Jal et montrer et attester qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite ses prières, ses éloges, ainsi que l'ensemble des adorations. Et également qu'Allah Azza wa Jal mérite l'ensemble des bonnes choses, que ce soit des paroles, des actes ou des caractéristiques. Et après avoir fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait le tashahhud invoque en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant à Allah azza wa jal qu'il soit épargné de tout défaut et de tout mot et de tout mal, et demander à Allah azza wa jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam la miséricorde et le bien. Puis celui qui fait le tashahhud invoque en sa faveur assalamu alayna, en sa faveur et en la faveur de tous ceux qui sont présents parmi les êtres humains et les anges. Puis, il élargit son invocation à l'ensemble des serviteurs vertueux d'Allah, tous parmi les djinns, les êtres humains et les anges, que ce soit des habitants des cieux ou de la terre. Ceux, et ceci englobe également ceux qui nous ont précédés comme ceux qui vont nous succéder. Et ceci fait partie des paroles min jawami'i kalimihi sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, des paroles qui sont courtes mais qui ont un sens général, un sens global. Ainsi, lorsque tu dis salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, et que le salut soit sur l'ensemble des serviteurs d'Allah, les vertueux, eh bien lorsque tu dis cela, ce sont quelques mots, mais qui englobent l'ensemble des serviteurs d'Allah, Azza wa Jal, passés ou futurs, passés, présents ou futurs. Puis, dans ce tashahhud, il y a l'attestation ferme que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est doté de deux caractéristiques. La première, qu'il est le serviteur d'Allah azawajal, et deuxièmement, qu'il est son envoyé. Et ces deux caractéristiques sont des caractéristiques qui honorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des caractéristiques qui permettent de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa juste valeur entre l'abus et le manque de considération. Entre l'abus, ceux qui ont abusé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en prétendant qu'il connaît l'invisible, et également ceux qui manquent de respect à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne lui donnent pas la valeur qu'il a, notamment en ne suivant pas sa sunna sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faïda, warada li tashahudi sifat muta'addida, ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف قد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وقال البزار أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من 120 طريقا ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق وقال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره انتهى وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة فائدة ثانية قال السبكي إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Et une remarque fait Cheikh al-Bassam, rahimahullah, il dit qu'il y a plusieurs façons rapportées, plusieurs formules de tashahoud qui ont été rapportées. Mais la meilleure est celle qui englobe le plus de choses et le tashahoud rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le tashahoud qu'a cité l'auteur. Ici, il parle de qui ? De l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, l'auteur de Umdat al-Ahkam. Et c'est cette façon, ou c'est cette formule qu'a choisi l'imam Ahmad et Abu Hanifa. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a dit, et la majorité des savants ont mis en pratique ce tashahoud, c'est-à-dire celui d'Abdullah ibn Mas'ud, et ceci parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis. Et l'imam al-Bazzar, rahimahullah, a dit, le hadith le plus authentique dans le tashahoud est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Il a été rapporté via un peu plus de 20 chaînes de transmission. Et il n'est pas connu de tashahoud plus authentique et plus qui comporte des rapporteurs plus connus. Et avec des chaînes de transmission plus nombreuses que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. L'imam ibn Hajar al-Asqalani a dit, il n'y a point de divergence chez les gens du hadith dans cela. Et parmi ceux qui ont appuyé également ce point de vue, il y a l'imam al-Baghawi rahimahullah. Et parmi les choses qui ont appuyé ou qui appuient le tashahoud d'Abdullah ibn Mas'ud, et que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ils sont tous les deux d'accord sur l'authenticité de celui-ci. Contrairement aux autres formules de tashahoud, qui elles ne sont pas rapportées par Al-Bukhari et Muslim à la fois. De plus, les rapporteurs du hadith n'ont pas divergé sur les termes du tashahoud d'Abdullah ibn Mas'ud. Contrairement aux autres tashahoud. Et dans l'obligation des deux tashahoud, il y a une divergence des savants. Et nous avons parlé du jugement sur le premier tashahoud lors de l'explication du hadith numéro 80, le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et la deuxième remarque que cite Cheikh al-Bassam, rahimahullah, de l'imam al-Sabki, qui dit que dans la prière, il y a un droit pour les serviteurs et un droit pour Allah. Et celui qui délaisse le tashahhud a manqué à l'égard du droit de l'ensemble des croyants, ceux qui nous ont précédés comme ceux qui viendront jusqu'au jour du jugement, lorsqu'il dit « Et que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux ». أقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.